السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، on a vu dans le dernier cours le deuxième des trois fondements mentionnés par le Cheikh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dans cet épître. Et le deuxième fondement était donc la connaissance de la religion de l'islam avec l'épreuve. On avait vu dans ce fondement que l'islam était composé de trois degrés. Al-Islam, Al-Iman, la foi, et Al-Ihsan, qui est la bienfaisance. On a vu que l'islam, c'est la soumission à Allah par le Tawhid, la sujétion à lui par son obéissance, et le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et on a vu que l'islam est composé de cinq piliers. Ensuite, on a vu que Al-Iman, la foi, c'est une croyance du cœur, une parole prononcée par la langue et des actes accomplis par le corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et elle diminue par la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la foi est composé de six piliers, comme on l'a vu dans le cours précédent. Et on a vu enfin le troisième degré de l'islam qui est Al-Ihsan, la bienfaisance, que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Et le Cheikh Rahimahullah, il nous a exposé pour chacun de ces degrés ses preuves ainsi que la preuve de ses piliers, et il a terminé ce fondement par le hadith Jibril alayhi salam, qui est une preuve de l'ensemble de ce qu'il a mentionné dans ce deuxième fondement. On va commencer aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, le troisième fondement, qui est la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yaqul al-shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, al-asl al-thalith, ma'rifatu nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلاده مكة وهاجر إلى المدينة. Le Cheikh Rahimahullah, il commence donc ce troisième fondement et dit: le troisième fondement, c'est la connaissance de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim. Et Hashim fait partie de Quraysh, et Quraysh est une tribu des Arabes, et les Arabes font partie de la descendance d'Ismaïl, fils de Ibrahim al-Khalil, alayhima wa ala nabiyyina afdalu salat wa salam. Le Cheikh Rahimahullah, il a donc commencé dans cette introduction du troisième fondement à exposer plusieurs points au sujet de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier point qu'il a exposé ici est la lignée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a exposé sa lignée en mentionnant le nom de son père, le nom de son grand-père et de son arrière-grand-père, et ce en remontant jusqu'à Ibrahim alayhi salam. Shir ibn Baz rahimahullahu ta'ala dit en commentaire: هذا هو الأصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره الله بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. Ceci est donc le troisième fondement, qui est la connaissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'homme se doit donc de connaître son prophète. Son prophète que Allah subhanahu wa ta'ala lui a envoyé. Son prophète qui lui a transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui nous a expliqué les législations que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Et également, il nous a clarifié l'adoration, celle pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Wa hadha an-nabi huwa Muhammad alayhi salatu wa salam, khatam al-anbiya wa rasulullah li hadhihi al-umma min al-jinn wal-ins. Arsalahu Allah lin-nas jami'a. Qala Allah ta'ala: Qul ya ayyuha an-nas إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Ce prophète qui nous a été envoyé est donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le dernier des prophètes, et c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour toute cette communauté parmi les djinns et les hommes. Allah azza wa jal l'a envoyé à toute l'humanité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, « Dis, ô vous les gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également selon le sens rapproché, « Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » Ensuite, Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, « Fa'ismuhu Muhammad, wa ismuhu Ahmad, wa ismuhu al-Hashir, wal-Mahi, wal-Mukaffi, li'annahu khatamu al-Anbiya. » وهو نبي التوبة ونبي الرحمة هذه كلها أسماه عليه الصلاة والسلام ولكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله وجاه بالقرآن قال الله تعالى محمد رسول الله وهكذا أحمد كما بشر به عيسى عليه السلام ومبشرا بالرسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Donc son nom à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est Muhammad. Également, il y a parmi ces noms que Shir ibn Baz rahimahullah a mentionné ici, Ahmad. Il porte également le nom de Al-Hashir, c'est-à-dire le rassembleur. C'est-à-dire qu'après sa venue, les gens seront rassemblés pour le grand rassemblement. Également, parmi les noms de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a Al-Mahi, c'est-à-dire celui par lequel Allah fait disparaître la mécréance. Il y a également parmi ces noms Al-Mukaffi, c'est-à-dire qu'il est le dernier des prophètes et qu'il n'y a pas de prophète après lui. Parmi ces noms également Nabi al-Tawba, le prophète du repentir, celui par qui Allah a ouvert la porte du repentir. Et également il y a parmi ces noms Nabi al-Rahma, le prophète de la miséricorde, car Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ensuite, Shir ibn Baz, il dit, rahimahullah, est le plus célèbre de ces noms, et le meilleur d'entre eux, et le plus immense, est Muhammad, celui par lequel sa famille l'a nommé. Et c'est ce nom qui a été mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et également, il est venu dans le Coran le nom de Ahmed, comme l'a annoncé Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad, annonciateur d'un messager qui viendra après moi dont le nom est Ahmad. Fa huwa Muhammad wa abuhu ismuhu Abdullah wa jadduhu ismuhu Abdul Muttalib wa Abdul Muttalib laqab wa illa fa ismuhu Shayba wa abu jaddihi ismuhu Hashim wa huwa sayyid min sadat Quraysh kama anna Abdul Muttalib kadhalik. Donc son prénom est Muhammad, et le prénom de son père est Abdullah, et le prénom de son grand-père est Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib en réalité ce n'est pas son prénom, mais c'est un surnom. Et son vrai prénom est Shayba. Le vrai prénom du grand-père du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Shayba. Et le père de son grand-père, c'est-à-dire son arrière-grand-père, son prénom est Hashim. Et il fait partie des chefs, parmi les chefs de Quraysh. Tout comme Abdul Muttalib. Wa Hashim min Quraysh قبيلة عظيمة وهي أفضل العرب والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم وهم أفضل قريش. Et donc Hashim, l'arrière-grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie de la tribu de Quraysh, qui est une des tribus immenses des Arabes, et c'est même la meilleure tribu des Arabes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait partie des meilleurs d'entre eux. En effet, il faisait partie de la descendance de Hashim, qui sont les meilleurs de la tribu de Quraysh. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, après nous avoir mentionné la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a exposé le temps qu'a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et combien de temps il a passé en tant que prophète et messager. Et il dit وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ ثَلَاثُونَ وَسِتُونَ سَنَةً مِنْهَا أَرْبَعُونَ قَبْلَ النُّبُوَةِ وَثَلَاثُونَ وَعِشْرُونَ نَبِيًا رَسُولًا. Et il vécut 63 ans. Parmi elles, 40 ans avant la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vécut donc 40 ans avant la prophétie. Il reçut la prophétie à l'âge de 40 ans. Puis il vécut 23 ans en tant que prophète et messager. Ensuite le cheikh il dit Nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddaththir. Il reçut la prophétie par le verset Iqra, li. Et il reçut l'ordre de messager, il devient messager par la sourate Al-Muddaththir, par les premiers versets de la sourate Al-Muddaththir. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit wa hadha an-nabi al-'azim huwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nubbi'a bi Iqra fa awwal ma nazala alayhi Iqra bismi rabbika alladhi khalaq wa sara biha nabiyan. Donc il dit ce noble prophète qui est Muhammad, il est devenu prophète par les premiers versets de la sourate Al-'Alaq, Iqra. La première chose qui a été révélée, qui lui a été révélée, sont ce verset. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. C'est le premier verset qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et par celui-ci, il est devenu prophète. Wa qala atahu Jibril wa huwa fil ghar, ghar Hira, fa aqrahahu hadhihi as-sura. Et il a dit que Jibril alayhi salam est venu à lui alors qu'il était dans la grotte de Hira. Et il lui a fait réciter ces versets. وقوله وأرسل بالمدثر ثم بعد مدة يسيرة جاءه بالمدثر فصار رسولا بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر. Ensuite il dit, après un certain temps, Jibril alayhi salam est revenu à lui avec Surat al-Muddathir, avec les premiers versets de Surat al-Muddathir. Et par ceci, il est devenu messager. Et c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhal muddathir, kum fa'andir. Ô toi l'enveloppé, lève-toi et avertis. Wal muddathir, wal multahif, liannahu jaa ba'da ma jaa'ahu al-wahi, ishtadda alayhi al-amr, wa qala zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni, min shiddati ma asabahu min al-khawf, lama dagata alayhi Jibril alayhi salatu wassalam marrat. ثم قال له اقرأ تمهيدا يعب الرسالة وعظمتها ثم قال الله تعالى كم فأنذر أي كم فأنذر الناس فصار رسولا بأمره بالنذار. Donc le mudathir, l'envelopper, cela signifie celui qui est enveloppé d'un manteau d'un habit. Et ce, il a été appelé ainsi car après qu'il ait reçu la révélation, ceci fut un moment très difficile pour lui. Et il a dit, couvrez-moi, couvrez-moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Et ce qui avait eu très peur, lorsque Jibril alayhi salam l'a serré plusieurs fois, il lui a dit, lis. Tout ceci pour le préparer à la lourde et immense tâche de porter le message. Ensuite Allah azawajal dit, kum fa'andhir, lève-toi et avertis. C'est-à-dire, lève-toi et avertis les gens. Et par cela, par cet ordre de l'avertissement, il est devenu messager. Par cet ordre de l'avertissement, il est devenu messager. Donc on voit que le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala, il a fait la distinction entre le prophète et le messager. En disant que le prophète est celui qui reçoit la révélation sans être ordonné de la transmettre. Et que le messager est celui à qui il est ordonné de transmettre le message. Et ceci est une parmi les différentes paroles des savants à ce sujet. Ensuite, Shir ibn Baz, rahimahullah, il dit « وَقَوْلُوا تَعَالَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَيْ عَظِمْهُ بِالتَّوْحِيدِ » Lorsque Allah Azza wa Jal dit et proclame la grandeur de ton Seigneur, c'est-à-dire magnifie-le par l'unicité. وَثِيَابَكَ فَطَهِرْ أَيْ تَهِرَ أَعْمَالَكَ مِنَ الشِّرْكِ » Et tes vêtements purifie-les, c'est-à-dire purifie tes œuvres de l'association. لِأَنَّ تَطْهِيرَ الْمَلَابِسِ غَيْرُ مُرَادِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ Car la purification des vêtements n'est pas visée dans ce verset. Pourquoi ? لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تُفْرَضْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ Car la prière n'avait pas encore été prescrite à ce moment. فَالْمُرَادُ هُنَا الْأَعْمَالِ Ce qui est donc visé, c'est les œuvres. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ Et le vêtement de la piété est bien meilleur. فَالْعَمَلُ يُسَمَّى لِبَاسًا Les œuvres sont donc nommées également vêtements. وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ Et de tout péché écarte-toi. فَالرُّجْزَ أَلَسْنَامْ وَهَجْرُهَا تَرْكُهَا وَالْبَرَاءَةُ مِنْهَا وَأَهْلِهَا Et de tout péché écarte-toi. Le péché qui est visé ici, ce sont les statues. Et le fait de s'en écarter, c'est de les délaisser et se désavouer d'elles et de leurs adeptes. Et se désavouer d'elles et de leurs adeptes. Donc le Cheikh Rahimahullah ici, il nous a clarifié la cause de l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce lorsqu'il dit « Ba'athahu Allahu bin nidharati ani shirk wa bid da'wati ila tawhid » Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour avertir contre l'association et pour appeler à l'unicité. Et il a cité comme preuve les versets que l'on vient de citer de Surat al-Muddathir. Donc ceci est la cause de l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que de tous les prophètes. L'appel à l'unicité et la mise en garde contre l'association. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد وبعد العشر عرج به إلى السماء وفردت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين Il a donc appelé au tawhid pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il est resté appelé au tawhid. Puis après ces 10 années, il a été élevé aux cieux. Et lui ont été prescrites les 5 prières. Il a ensuite prié à Mekka durant 3 ans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé pendant 10 années au tawhid avant que lui soient prescrites les 5 prières quotidiennes. Et ceci nous prouve une chose qui est l'importance de l'appel au tawhid. Et que le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas une chose que l'on enseigne en quelques minutes, comme le disent certains égarés parmi les gens de l'innovation. Mais le tawhid est la chose la plus importante à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé. Il a appelé à cela pendant 10 ans. Lorsqu'il était à Mekka. Après ces 10 années, Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé aux cieux et lui a prescrit les 5 prières quotidiennes. Cela veut dire que pendant 10 années, son prêche était exclusivement concentré sur quoi ? Sur l'appel au tawhid et la mise en garde contre l'association. Donc quiconque veut suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'appel à Allah, il doit concentrer son prêche sur l'appel au tawhid. Et un prêche qui n'est pas concentré sur l'appel au tawhid, il ne peut réussir. Pourquoi ? Car il s'oppose au prêche des messagers. Il s'oppose au prêche des messagers, alayhi salat wa salam. Cheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit « أخذ على هذا الأمر عشر سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى » وترك عبادة الأصنام والأوثان ويأمر أن يخص الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. Il a donc appelé à cela pendant 10 ans. Pendant 10 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé au tawhid et a mis en garde contre l'association. Il ordonnait aux gens de délaisser l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser l'adoration des statues et des idoles. Il leur ordonnait de spécifier l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala et de vouer exclusivement l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans leurs invocations, que ce soit dans leur serment, dans leur sacrifice, ainsi que dans toute adoration. Ils n'appelaient qu'à l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. ثم بعد العشر عرج به إلى السماء مع جبرائيل وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريف الأقلام. Après ces 10 années, il a été levé aux cieux avec Jibril alayhi salam, et les portes des cieux s'ouvrirent à lui jusqu'à ce qu'il parvienne à un endroit très élevé au-dessus du 7e ciel, à tel point qu'il puisse entendre le mouvement des plumes. Ensuite, il dit, rahimahullah, ثم ناداه الله تعالى وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس فرضها 50 صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله 5 فقال الله سبحانه وتعالى هي 50 في العدد وهي 50 في أم الكتاب. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé et lui a parlé et lui a prescrit les 5 prières. Il lui a prescrit d'abord la prière au nombre de 50. Puis, il ne cessa de demander un allègement jusqu'à ce qu'Allah azawajal les prescrive au nombre de 5. Et Allah subhanahu wa ta'ala a alors dit, elles sont au nombre de 5, mais elles sont 50, dans la mer du livre. Shir ibn Baz, rahimahullah, explique cela en disant, فَمَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَدَّاهَا كتب الله له أجر 50 فالحسنة بعشر أمثالها. Quiconque donc accomplit avec assiduité les 5 prières, Allah subhanahu wa ta'ala lui écrit la récompense de 50 prières, car la bonne action est toujours multipliée par 10. فنزل بذلك عليه الصلاة والسلام فاستقرت الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر صلاها في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر. Il est donc redescendu des cieux avec cette prescription des prières qui sont restées au nombre de 5, de jour et de nuit. Et ces prières sont le dhuhr, al-asr, al-maghrib, al-isha et al-fajr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli ses prières durant 3 ans à Mecca. Ensuite, le cheikh il dit, rahimahullah, وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة والهجرة هي الانتقال من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. Ensuite, on lui a ordonné d'émigrer vers Médine. La hijra, c'est le fait de délaisser une terre de polythéisme pour se rendre sur une terre d'islam. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit, ثم هاجر إلى المدينة بعدما اشتد عليه أذى قريش له ولأصحابه. Ensuite, après que les persécutions de Quraysh soient devenues plus intenses sur lui et ses compagnons, il a émigré vers Médine. فأذن الله له بالهجرة من مكة لأجل أذاه وظلم قريش. Allah عز وجل, il lui a permis d'émigrer, de quitter Mecca et d'aller vers Médine, et ce à cause des persécutions et des injustices qu'il subissait de la part de Quraysh. Il a donc émigré ila al-Medina, ila al-Ansar, wa qad bay'uhu fi mawsim al-Hajj 'ala an yantaqila ilayhim wa yansuruhu radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum. Il s'est donc déplacé vers Médine chez les Ansar, qui eux lui avaient prêté serment d'allégeance lors du pèlerinage. Afin qu'ils se rendent vers eux, qu'ils les rejoignent à Médine, et qu'en échange de cela, ils le défendent et le soutiennent, radiyallahu ta'ala anhum. فَلَمَّ تَمَّتِ الْبَيْعَةِ وَأَذِنَ اللَّهُ لَهُ بِالْهِجْرَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَكَانَ بَعْدُ أَصْحَابِهِ قَدْ هَاجَرَ قَبْلَ ذَلِكَ إِلَى الْحَبَشَ وَمَكَثُ عِنْدَ نَجَاشِ مُدَّةِ. Après qu'il ait prêté, que les Ansar lui aient prêté serment d'allégeance, Allah Azza wa Jal lui a autorisé, lui a permis d'accomplir la hijra et d'émigrer vers les Ansar. Et certains de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, avaient déjà émigré sur la terre del Habasha, en Éthiopie. Et ils sont restés auprès d'un Najashi, auprès du Négus un certain temps. ثُمَّ هَاجَرَ بَقِيَّتُهُمْ إِلَى الْمَدِينَ فَلَمَّ اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَ جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. Il dit ensuite, le reste des compagnons ont émigré vers Médine. Et lorsqu'ils se sont tous installés à Médine, alors ceux qui étaient fil Habasha, ceux qui étaient en Éthiopie, les ont rejoints à Médine. Ils se sont tous installés fil Médine. Ils se sont tous installés à Médine, walhamdulillah. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah, il dit, والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Et dit la hijra, c'est une obligation pour cette communauté d'émigrer d'un pays d'association vers une terre d'islam. Et cette obligation perdurera jusqu'à l'avènement de l'heure. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. Et la preuve donc démontrant l'obligation de la hijra est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leur âme en disant « Dans quelle situation vous trouviez-vous ? » Ils diront « Nous étions impuissants sur terre. » Alors les anges leur diront « La terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer ? Voilà bien ceux dont la destination est l'enfer et quelle mauvaise destination. À l'exception des faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen, à cela il se peut qu'Allah pardonne. » Et Allah est clément et pardonneur. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Ainsi que sa parole, ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est bien vaste, adorez-moi donc. قال البغوي رحمه الله تعالى نزلت هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. L'imam al-Baghawi رحمه الله il dit en commentaire de ce verset: la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tout de même interpellés par le nom de la foi. C'est-à-dire que ceci n'est pas un acte annulatif de l'islam. Ils sont tout de même restés croyants, malgré le danger qu'ils ont encouru en restant en terre de mécréance. Ensuite, le Cheikh il dit, rahimahullah, « وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُنَّةِ » قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Et la preuve au sujet de la hijra et la preuve de la sunna au sujet de la hijra et la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, la hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté, et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. Tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. C'est-à-dire que la hijra reste une obligation pour cette communauté, et ce jusqu'à la venue de l'heure, comme le Cheikh rahimahullah l'a mentionné. Et la hijra est un sujet immense, est un sujet très important, surtout à notre époque et dans la situation dans laquelle vivent nombreux musulmans en terre de mécréance. Et ceux qui veulent plus de détails à ce sujet peuvent retourner aux commentaires de Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, qui a développé en détail ce sujet, qui a développé en détail ce sujet. Donc ensuite le Cheikh rahimahullah ta'ala il dit: فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. Ensuite, après s'être installé à Médine, il lui a été ordonné d'accomplir les autres pratiques cultuelles de l'islam, comme la zakat, comme le jeûne, comme le pèlerinage, comme le djihad, comme l'appel à la prière, comme le commandement du bien, l'interdiction du mal et tous les autres rites islamiques. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المدينة صارت دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فلهذا أمروا بهذه الأمور، لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine après la Hijra, Allah azza wa jal lui a ordonné les autres rites islamiques comme la zakat, comme le jeûne du mois de Ramadan, comme le pèlerinage de la maison, comme le djihad, comme le commandement du bien, l'interdiction du mal. Et ce, car Médine était devenue une terre d'islam. Médine était devenue à ce moment-là une terre d'islam. Et c'était la première capitale des musulmans. C'est pour cela que toutes ces choses leur ont été ordonnées. Et ce, car à ce moment, ils avaient maintenant la possibilité d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ceci est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a reporté le commandement de ses obligations jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam émigre à Médine. En effet, c'est une miséricorde. Pourquoi ? Car à Mecca, ils n'avaient pas la possibilité d'accomplir cela, car ils étaient parmi les mécréants. Et en effet, le musulman qui vit parmi les mécréants ne peut accomplir et mettre en pratique sa religion comme il se doit. Il ne peut accomplir et mettre en pratique sa religion comme il se doit. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la hijra. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la hijra. Ensuite, l'auteur il dit, rahimahullah, أخذ على هذا عشر سنين وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأبى. Il a donc vécu durant 10 ans après la Hijra. Ensuite, il est mort, salawatullahi wa salamu alayhi. Mais sa religion a perduré, et voici l'islam, sa religion. Il n'y a pas un seul bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, ni aucun mal sans qu'il ne l'ait mis en garde contre celui-ci. Et le bien qu'il a indiqué à sa communauté est le tawhid, l'unicité, et tout ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal contre lequel il a mis en garde sa communauté et l'association, et tout ce qu'Allah déteste et réprouve. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit « بعدما أكمل الله به الدين توفاه الله إليه بعد 10 سنين من الهجرة قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. » Après qu'Allah Azzawajal ait complété par lui la religion, après ces 10 années après la Hijra, Allah Azzawajal l'a fait revenir à lui. Allah Azzawajal dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. » Et la parole du Cheikh, rahimahullah, « La khayra illa dalla l'ummata alayhi wa la sharra illa hadara minhu » Il n'y a pas un bien sans qu'il ne l'ait indiqué à sa communauté, ni un mal sans qu'il ne l'ait mis en garde contre celui-ci, et une réfutation contre tout innovateur. En effet, tout le bien se trouve dans ce qu'a indiqué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tout le mal qu'il existe, il nous a mis en garde contre celui-ci. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il a détaillé cela. Quel est le bien qu'il nous a indiqué? Et quel est le mal contre lequel il nous a mis en garde? Le bien qu'il nous a indiqué, c'est le tawhid, l'unicité, et tout ce qu'Allah aime et agrée. Et le mal contre lequel il nous a mis en garde et prévenu, c'est l'association. Et ceci est le plus grand mal contre lequel il nous a mis en garde, ainsi que contre tout ce que Allah déteste et réprouve. Ensuite, l'auteur, il dit, rahimahullah, « Ba'athahu Allahu ila an-nas kaffa wa afṭarada ta'atahu ala jami'i thaqalayn al-jinn wal-ins wad-dalil qawluhu ta'ala qul ya ayyuhan-nas إني رسول الله إليكم جميعا وكمل الله به الدين والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والدليل على موتي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله سبحانه وتعالى l'a envoyé à toute l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé à toute l'humanité. Il n'a pas été envoyé seulement aux Arabes. Il n'a pas été envoyé à un peuple en dehors d'un autre. Et ceci est une de ses particularités. Allah azawajal a imposé son obéissance aux deux pesants, les djinns et les hommes. Et la preuve est la parole d'Allah. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et les gens, comme l'on dit, les savants, comprennent les djinns et les hommes. وَكَمَّلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé la religion par son intermédiaire. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Ensuite, il a mentionné la preuve de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. En vérité, tu mourras et ils mourront eux aussi. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Il dit, rahimahullah, وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا. Et lorsque les gens meurent, après que les gens meurent, ils seront ressuscités. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'elle que nous vous avons créé, et en elle nous vous ferons retourner, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, et c'est Allah qui de la terre vous a fait croître comme des plantes, puis il vous y fera retourner, et vous en fera sortir véritablement. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, والناس إذا ماتوا يبعثون كما قال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال الله سبحانه وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Le shir, rahimahullah, il dit donc qu'après la mort, les gens seront ressuscités. Il rementionne les versets que l'auteur, rahimahullah, a cités. Ensuite, l'auteur, il dit « وَبَعْدَ الْبَحْثِ مُحَاسَبُونَ وَمُجْزِيُونَ بِأَعْمَالِهِمْ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَحْثِ كَفَرَ والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Après la résurrection, les gens seront jugés, rétribués pour leurs actes. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent et récompense ceux qui font le bien par le meilleur. Et quiconque renie la résurrection devient mécréant. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le sens rapproché. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez certainement ressuscités, puis vous serez informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit « Fahum muhasabun wa mujdiyun yawm al-qiyama » وَيُعْتَوْنَ كُتُوبَهُمْ بِأَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ. Les gens seront donc jugés et rétribués au jour de la résurrection. Et leur livre leur sera donné de leur main droite et de leur main gauche. فَالسَّعِيدَ يُعْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَالشَّقِي يُعْتَى كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. Le bienheureux, il recevra son livre de sa main droite. Et le malheureux, il recevra son livre de sa main gauche. As-sa'id yurajjihu ميزانه والكافر يخف ميزانه. Le bienheureux, ses bonnes actions l'emporteront dans le poids de la balance. Tandis que le malheureux, tandis que le mécréant, sa balance sera légère, c'est-à-dire légère de bonnes actions. وَأَصْحَابُ الْمَعَاصِ عَلَى خَطَرٍ فَقَدْ يُرَجِّحُ مِزَانُهُمْ بِالتَّوْبَةِ وَبِعَفْوِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَبِالْحَسَنَاتِ وَقَدْ يَخِفُ مِزَانُهُمْ فَيَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Quant aux gens des péchés, aux désobéissants, ils sont en danger. Pourquoi? Parce qu'il est possible que le repentir l'emporte sur leur balance, ou que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emporte, ou que leur hasanat, leurs bonnes actions, l'emportent sur leurs mauvaises actions. Mais il est possible également que leur balance soit légère, c'est-à-dire légère en bonnes actions, et alors qu'ils fassent partie des gens de l'enfer. فَيُعَذَّبُونَ فِيهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْرِجُهُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ بِسَبَبِ مَوْتِهِمْ عَلَى الْإِسْلَامِ. Ils seront donc châtiés autant de temps qu'Allah l'aura voulu. Puis Allah subhanahu wa ta'ala les fera sortir de l'enfer parce qu'ils sont morts sur l'islam. وَنَسَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُمِيتَنَا عَلَى الْإِسْلَامِ. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous fasse mourir sur l'islam. فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْذَرَ السَّيِّئَاتِ الْأَعْمَالِ. Cheikh Ibn Baz dit, il est donc obligatoire à tous de prendre garde aux mauvaises actions. وَأَنْ يُلْزِمَ التَّوْبَةَ وَالِسْتِقَامَةَ. Et de t'en conformer, de t'accrocher au repentir et à la droiture. لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يَهْجَمُ عَلَيْهِ الْأَجَلِ. Parce que tu ne sais pas quand viendra ton terme. فَالْحَزْمُ كُلُّ الْحَزْمِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُسْلِمُ بِالْعَزِيمَةِ وَيُجَاهِدَ نَفْسَهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ عَلَى الْحَقِّ وَالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ مِنْ جَمِيعِ الذُّنُوبِ حَتَّى إِذَا هَجَمَ عَلَيْهِ الْأَجَلِ إِذْ هُوَ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ وَعَلَى الْإِسْتِقَامَةِ فَيَفُوزُ بِالسَّعَادَةِ وَالنَّجَاةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Le musulman, il doit prendre une résolution ferme. Il doit combattre son âme afin de rester droit sur la vérité et de se repentir sincèrement de tous les péchés. Et ce, afin que son terme arrive alors qu'il est sur la meilleure des œuvres et qu'il est sur la droiture. Et ainsi, il obtiendra réussite, bonheur et paix au jour de la résurrection. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, il dit « Wa arsala Allahu jami'a ar-rusul, mubashirina wa mundirin, wa ad-dalilu qawluhu ta'ala, rusulan mubashirina wa mundirin, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. » Allah a envoyé tous les messagers en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. Wa awwaluhum Nuh alayhi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa huwa khatamun nabiyyin. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Et le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam. Le premier des messagers est Nuh alayhi salam. Et le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve démontrant que Nuh est le premier des messagers est la parole d'Allah, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh ainsi qu'au prophète après lui. Ainsi qu'au prophète après lui. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit: "Wal-rasul sallallahu alayhi wa sallam mursalun ila jami'in nas, ila al-jinn wal-ins, kama qala Allah ta'ala: Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a. Wa qala ta'ala: Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira." Le messager, il a été envoyé à l'ensemble des gens, parmi les djinns et les hommes, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Dis, ô vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, « Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. » فَهُوَ خَتَمُ الْأَنْبِيَا لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيَ وَهَكَذَا الرُّسُلْ جَمِيعًا أُرْسِلُوا إِلَى هُمَامِهِمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَى آخِرِهِمْ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est donc le dernier des prophètes. Le dernier des prophètes et des messagers. et il n'y a pas de prophète après lui. Et tout comme lui, tous les messagers ont été envoyés à leur communauté en tant qu'annonciateurs et avertisseurs, et ceux du premier au dernier. فأولهم نوح عليه السلام بعثه لما وقع الشرك في قومه. Et le premier d'entre eux est Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé lorsque l'association s'est produite dans sa communauté. وقبله آدم فإنه نبي ورسول أرسله الله إلى ذريته ليعبدوا الله بالشريعة التي جاه بها أبوهم آدم عليه السلام. Et avant Nuh alayhi salam, il y avait Adam alayhi salam, qui lui aussi était un prophète et messager. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, lui aussi était un prophète et messager. Allah azza wa jal l'a envoyé à sa descendance, et ce, afin qu'ils adorent Allah selon la législation avec laquelle était venu leur père Adam alayhi salam. واستمروا على الإسلام والاستقامة حتى وقع الشرك في قوم نوح. Ils ont continué sur l'islam et la droiture jusqu'à ce que le shirk se produise dans le peuple de Nuh alayhi salam. فَلَمَّا وَقَعَ الشِّرْكُ فِي قَوْمِ نُوحٍ أَرْسَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَهُوَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ بَعْدَ وُقُوعِ الشِّرْكِ. Donc, après que le shirk, l'association se soit produite dans le peuple de Nuh alayhi salam, Allah azza wa jal l'a envoyé à son peuple pour qu'il les appelle au tawhid. Nuh alayhi salam est donc le premier messager envoyé aux gens sur terre après l'apparition du shirk, après l'apparition du polythéisme. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا فَعَادٌ أَرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ هُودًا ثُمَّ أَرْسَلَ اللَّهُ صَالِحًا إِلَى قَوْمِهِ ثَمُودَ ثُمَّ أَرْسَلَ إِبْرَاهِيمَ وَلُوطًا وَشُعَيْبًا وَهَارُونَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ ثُمَّ خُتِمُوا بِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dans chaque communauté, Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager. Il a envoyé au peuple de Ad, Hud alayhi salam. Puis il a envoyé Salih au peuple de Thamud. Puis il a envoyé Ibrahim, Lut, Shu'aib, Harun, Isa, Ayyub, Daoud et Suleyman. Puis le dernier d'entre eux est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa khatamuhum wa akhiruhum wa afdaluhum alayhi salatu wa salam. C'est donc le sceau des prophètes. Le dernier des prophètes est le meilleur d'entre eux, alayhi salatu wa salam. Qala Allahu azza wa jal, rusulan mubashirin wa mundirin, li'alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers, il n'y ait pour les gens point d'argument devant Allah. فَقَوْلُهُمْ مُبَشِّرِينَ يَعْنِي يُبَشِّرُونَ مَنَ طَاعَهُمْ بِالْجَنَّةِ. Quant à sa parole, annonciateur, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, مُبَشِّرِين, annonciateur, et ce en décrivant les messagers, c'est-à-dire qu'ils annoncent la bonne nouvelle du paradis à ceux qui leur obéissent. Ils annoncent la bonne nouvelle du paradis à ceux qui leur obéissent. ومنذرين يعني ينذرون الناس من الشرك بالله ومن النار والعذاب الأليم إذا خالفوا أمر الله وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله بشيرا ونذيرا. Et avertisseurs, c'est-à-dire qu'ils avertissent les gens contre l'association à Allah et contre le châtiment du feu et le châtiment douloureux s'ils s'opposent à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné. Et de la même manière, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur. Allah azza wa jal dit: Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur et avertisseur, appelant les gens à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: مكان محمد أباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. فالواجب على جميع الأمم اتباع رسلهم فكل أمة يجب عليها أن تتبع رسولها وتنقاد لما جاء به من الهدى. Il est donc obligatoire à l'ensemble des communautés de suivre leur messager. Et pour chaque communauté, il leur est obligatoire de quoi ? De suivre leur messager. Et de se soumettre à sa guidée. وقد وعدها الله سبحانه وتعالى على ذلك السعادة في الدنيا والآخرة. Et en échange de cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. En échange de leur suivi des messagers, Allah subhanahu wa ta'ala leur a promis bonheur ici-bas et dans l'au-delà. وأكثر الخلق قد عصوا رسلهم وخالفوا ما جاهد به الرسل قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصنا بمؤمنين. Et malheureusement, la majorité des créatures ont désobéi à leurs messagers et sont opposées à ce avec quoi sont venus les messagers. Allah Azza wa Jal dit, selon le sens rapproché, et la plupart des gens ne sont pas croyants, et ce malgré ton désir ardent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur terre, ils t'ergareront certes du sentier d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشَّكُورٌ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ذَنَّ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Et Satan a très certainement rendu véridique sa conjoncture à leur égard. Ils l'ont suivi, sauf un groupe parmi les croyants. Le musulman, il ne doit donc pas se laisser duper par le grand nombre. Mais il doit suivre la vérité, même si peu de gens la suivent. Et comme l'a dit Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, Al-jama'a man kana ala al-haq wa in kunta wahdak. Et comme Ibn Mas'ud l'a dit, radiyallahu ta'ala anhu, le groupe, c'est ceux qui sont sur la vérité, même si tu es seul à la suivre. Ensuite, le Cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit, وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Donc le Cheikh rahimahullah il dit ici, et dans chaque communauté Allah leur a envoyé un messager de Nuh jusqu'à Muhammad. Comme on a vu, chaque communauté a eu son messager alayhi mussalat wa salam. Pourquoi il les a envoyés? يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. Il leur ordonnait d'adorer Allah seul et il leur interdisait l'adoration du Tarot. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتِ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarot. Allah subhanahu wa ta'ala a donc imposé à tous ses serviteurs de mécroire au Tarot et de croire en Allah. Et qu'est-ce que le Tarot? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit le sens du tarot, le tarot est tout ce par quoi le serviteur dépasse ses limites. Qu'il s'agit d'un être adoré, suivi ou obéi. Ensuite le shir rahimahullah il dit وَالتَّوَاغِتُ كَثِيرُونَ وَرُؤُسُهُمْ خَمْسَةً إِبْلِيسْ لَعَنَهُ اللَّهِ وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ رَادٍ وَمَنْ دَعَ النَّاسِ لَعِبَادَةِ نَفْسِ وَمَنْ اِدَّعَ شَيْئًا مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ وَمَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ. Il dit, et les tawarites, ils sont nombreux, mais leurs têtes sont au nombre de 5. Iblis, qu'Allah le maudisse. Celui qui est satisfait de l'adoration qu'on lui voue. Celui qui appelle les gens à son adoration. Celui qui prétend connaître une partie de la science de l'inconnaissable. Et celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a révélé. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit en commentaire: "Wa kullu rasulin yad'u ummatahu ila tawhid Allah 'azza wa jalla wa ta'atihi wa tark ash-shirk bihi wa ma'siyatihi. Qala Allah ta'ala: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allah wa yajtanibu at-taghut." Tout messager a appelé sa communauté à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, au délaissement de l'association et des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens rapproché, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du tagout. وعبد الله يعني أطيعوا ووحدوه واستقيموا على دينه وجتنبوا الطاغوت. Adorez Allah, c'est-à-dire obéissez-lui, unifiez-le, soyez droit dans, tenez-vous avec droiture sur sa religion et écartez-vous du tagout. Et le tagout هو كل ما عبد من دون الله وهو راض وكل من حكم بغير ما أنزل الله أو دعا إلى ذلك. والطاغوت هو الذي يتجاوز الحد إما بشركه وكفره وإما بدعوته إلى ذلك. Et le tagout, c'est tout être adoré en dehors d'Allah et agréant cela. Il est adoré en dehors d'Allah et il agrée cela. Et en disant il agrée cela, on sort de cette définition les prophètes, les anges et les serviteurs pieux qui ont été adorés en dehors d'Allah alors qu'ils ne sont pas satisfaits de cela. Également parmi les tagouts, toute personne qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, ou qui appelle à cela. Et le tagout, Shir ibn Baz, il dit, rahimahullah, c'est celui qui dépasse ses limites, soit par son association, soit par sa mécréance, soit par son appel à ceci. وَشَرُّهُمْ وَرَأْسُهُمْ إِبْلِيسِ لَعَنَهُ اللَّهِ. Il dit, le pire d'entre eux, et leur tête et leur meneur, est Iblis, qu'Allah le maudisse. Ainsi que toute personne, كل من دعا إلى عبادة نفسي أو راضي أن يعبد من دون الله, ou toute personne qui appelle à être adorée ou qui est adorée en dehors d'Allah et qui l'agrée et qui est satisfait d'être adorée en dehors d'Allah. Donc quiconque appelle les gens à l'adorer, même si les gens ne l'adorent pas, c'est un tagout. Et quiconque est satisfait de l'adoration qui lui est vouée, même s'il n'a pas appelé à cela, c'est un tagout. Il donne comme exemple le Cheikh Rahimahullah, Fir'aun et Namrud. Il dit à l'exemple de Fir'aun et Namrud. Il dit également parmi les tagout, Oman idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb, ou quiconque prétend connaître une chose parmi la science de l'inconnaissable, kal kahana wal 'arrafin wal sahara fil jahiliyyah wal islam. Il dit comme les devins, les voyants, les sorciers, et ce à la période pré-islamique, tout comme après. Tout comme après la venue de l'islam. Tout comme après la venue de l'islam. وَكَذَلِكْ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مُتَعَمِّدًا. Et également, il dit, celui qui juge par autre chose que ce qu'Allah a révélé, et ce volontairement. Et ce volontairement. Et en disant volontairement, on sort de cela, celui qui a été contraint. Et également, Shir ibn Baz, rahimahullah, dans d'autres de ses fatwas et dans d'autres de ses épîtres, détaille ce sujet et explique que celui qui sort de l'islam par cela et celui qui fait cela en pensant que une autre loi que celle d'Allah est meilleure que celle d'Allah ou égale à celle d'Allah ou qu'il est permis de juger par une autre loi que celle d'Allah, alors celui-là sort de l'islam. Alors celui-là sort de l'islam. Quant à celui qui juge par autre que ce qu'Allah a révélé, tout en ayant la conviction que ce qu'Allah a révélé est meilleur et que ce qu'il fait est interdit et qu'il ne fait cela que par un attrait de ce bas monde ou par corruption, alors sur celui-là s'applique la parole d'Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, kufrun duna kufr, une mécréance en dessous de la mécréance, c'est-à-dire une mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, فَهَوْلَهِ رُوسُ الطَّوَارِتِ. Ceux-ci sont donc les têtes, les meneurs des tawarit. وَكُلُّ مَنْ جَاوَزَ الْحَدِ وَخَرَجَ عَنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يُسَمَّ طَاغُوتًا. Et toute personne qui dépasse ses limites et sort de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala est appelée tagout. Est appelée tagout. Et ce que mentionne Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala au sujet de la limite de l'homme. On a vu le tagout, c'est celui qui dépasse ses limites. Et quelle est la limite de l'homme? Quelle est la limite de l'homme? La limite est mentionnée dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et ceci est la limite de l'homme. C'est-à-dire que s'il sort de cela, qu'il sort de l'adoration d'Allah, pour adorer autre que lui ou mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a dépassé sa limite. Sa limite qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il a mentionné comme preuve la parole d'Allah: La ikra'a fi d-din qad tabayyana ar-rujdu min al-ghayf fa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa lan fisama laha wallahu samii'un 'aliim. Wa hadha huwa ma'na la ilaha illa Allah. Et la preuve à ce sujet est la parole d'Allah: Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque renie le tarout, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et c'est bien là le sens de l'attestation de foi. La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dit: فالرجد الإسلام وما جاه به النبي صلى الله عليه وسلم والغي الكفر بالله والضلال. Il dit: le bon chemin qui est mentionné dans ce verset, c'est l'islam et ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'égarement, c'est la mécréance en Allah et tout égarement. Qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Et quiconque mécroit au tarout et croit en Allah a certes saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. فَيَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ يَعْنِي يَتَبَرَّأَ مِنْهُ وَيَعْتَقِدْ بُطْلَانَهُ فَيَتَبَرَّأُ مِنَ الشِّرْكِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَعْنِي يُصَدِّقُ أَنَّ اللَّهَ مَعْبُودَهُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَعْبُودُهُ وَإِلَهُهُ الْحَقُّ وَيُؤْمِنُ بِالشَّرِيعَةِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَنْقَادُ لِذَلِكَ. Il mécroit au tarout, c'est-à-dire qu'il se désavoue du tarout. Il a la conviction de sa fausseté et il se désavoue de l'association. Et il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il croit qu'Allah est sa divinité. Il croit qu'Allah est sa vraie divinité et qu'Allah est celui qu'il adore. Et il croit en la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il se soumet à cela. هذا هو المؤمن. Ceci est le croyant. ثم قال سبحانه وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى. Il a certes saisi l'anse la plus solide. Saisi يعني استعصم, c'est-à-dire il s'y est accroché. L'anse la plus solide, c'est-à-dire la ilaha illallah, la kalimat al-tawhid, la parole de l'unicité. فقد استمسك بالعروة التي لا انقطاع لها بل من استمسك بها صادقا واستقام عليها وصل إلى الجنة. Celui qui l'a saisi et qui s'accroche à l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, alors, et qui s'y accroche en étant véridique et en se tenant droit sur celle-ci, il atteindra alors le paradis. Il atteindra alors le paradis. لِأَنَّ لَهَا حُقُوقًا. Et la parole du tawhid, elle a des droits. وَهِيَ تَوْحِيدُ اللَّهِ وَطَاعَتُهُ وَاتِّبَاعُ شَرِيعَتِهِ وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ. Il dit: parmi les droits de la parole du tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, de se soumettre à sa législation et de suivre sa législation ainsi que son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et des messagers. Wa huwa rasulullah ila jami'i ahli al-ard min al-jinn wal-ins. Et c'est le messager d'Allah pour l'ensemble des gens sur terre, parmi les hommes et les djinns. فيجب على جميع المكلفين طاعته واتباع شريعته ولا يجوز لأحد الخروج عنها وجميع الشرائع الماضية كلها نسخت بشريعته عليه الصلاة والسلام. Il dit: il est donc obligatoire pour l'ensemble des gens d'obéir et de suivre la législation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il est interdit pour quiconque d'en sortir et de se détourner de cela. Car toutes les législations précédentes ont été abrogées par sa législation sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah azza wa jal dit: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dis: oh vous les gens, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit avant cela: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux qui croient en lui, le soutiennent, lui porteront secours et suivent la lumière descendue avec lui, ceux-là sont les gagnants. ceux-là sont les gagnants. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُ. Et quiconque d'entre les groupes y mécroit aura le feu comme rendez-vous. Et Allah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌ وَلَا نَصْرَانِيٌ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en jurant: par celui qui détient mon âme entre ses mains, personne de cette communauté n'entendra parler de moi, que ce soit un juif ou un chrétien, puis qui meurt sans ayant cru en ce avec quoi j'ai été envoyé, alors il fera partie des gens de l'enfer. Alors il fera partie des gens de l'enfer. Et ce hadith est une preuve que toutes les législations précédentes ont été abrogées à la venue de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Shir ibn Baz rahimahullah dit ensuite: wal ayat wal ahadith fi dhalika kathira wa qad ajma'a ahlul ilm rahimahumullah azza wa jal ala annahu la yasa'u ahadan min hadhihi al umma al khuruj ala an shari'ati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anna man ihtaqada dhalika fa huwa kafirun kufran akbar mukhrijan min al milla nas'alullah al afiya wa salama. Il dit, et les versets et les hadiths à ce sujet sont très nombreux. Et les gens de science, qu'Allah leur fasse miséricorde, sont unanimes pour dire qu'il n'est permis pour personne de cette communauté de sortir ou de ne pas se soumettre à la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque a cette conviction, alors, c'est-à-dire qu'il lui est permis de sortir de sa législation, alors c'est un mécréant d'une mécréance majeure qui fait sortir de la religion. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver, de nous accorder le salut. Ensuite, le Cheikh rahimahullah, il a terminé en mentionnant ce hadith: wa fil hadith rasul amri l'islam wa amuduhu s-salah wa zirwatu sanamihi l-jihadu fi sabilillah. La chose la plus capitale est l'islam, son pilier est la prière et son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh ibn Baz, il dit rahimahullah: fa'ala jami' al-mukallafin an yuwahidu Allah ويعبدوا دون كل ما سواه وأن يكفروا بالطاغوت وينكروا عبادته ويلتزموا بالتوحيد واتباع شريعته سبحانه وتعالى وتعظيم أمره ونهيه. Il est donc obligatoire à l'ensemble des gens d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer exclusivement en dehors de tout autre que lui, et de mécroire au taghout et de condamner l'adoration du taghout, et de se conformer à l'unicité et de suivre sa législation subhanahu wa ta'ala, et de vénérer ses ordres et ses interdits. Ensuite, il explique le hadith et dit: rasul amr, la chose la plus capitale, يعني رأس الدين هو الإسلام, يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. La chose la plus capitale, c'est l'islam, c'est-à-dire la chose la plus capitale de la religion, c'est l'islam, qui est l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. فَمِنْ الْتَزَمَ بِهَا دَخَلَ الْإِسْلَامِ. Et quiconque s'y soumet et s'y conforme rentre dans l'islam. وَعُمُودُهُ الصَّلَاةِ وَهِيَ رُكْنُ الثَّانِي وَهِيَ أَعْظَمُ الْأَرْكَانِ بَعْدَ الشَّهَدَتَيْنِ ثُمَّ يَلِي ذَلِكَ الزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِ وَبَقِيَةُ أَوَامِرِ اللَّهِ. Il dit: son pilier est la prière, et c'est le deuxième pilier de l'islam. Et c'est le plus grand pilier de l'islam et le plus important après les deux attestations de foi. Et elle est suivie par la zakat, et elle est suivie par le jeûne et le hajj, ainsi que l'ensemble des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit: son degré le plus élevé est le combat dans le sentier d'Allah. لِأَنَّ بِهِ سِيَانَةُ الدِّينِ وَحِمَايَتُهُ وَبِهِ دَعْوَةُ النَّاسِ إِلَى الدِّينِ إِلَى دِينِ اللَّهِ وَإِلْزَامُهُمْ بِالْحَقِّ فَهُوَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ مِنْ جِيَةٍ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ حِمَايَةِ الدِّينِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْحَقِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Il dit donc: c'est le degré le plus élevé, car c'est un moyen de préserver et de protéger la religion. Et par celui-ci, on appelle les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on les pousse à se conformer à la vérité. C'est donc le degré le plus élevé de par ce qu'il implique comme protection de la religion et comme appel à la vérité, et Allah est plus savant. Ensuite, le Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala termine ce livre en renvoyant la science à Allah et en disant: Wallahu a'lam, puis en priant sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. On a donc ainsi terminé cette épître immense qui est l'usul al-thalatha. Et comme vous l'avez vu, cette explication est une explication résumée. Et, comme on l'a dit dans des cours précédents, il y a d'autres explications qui sont beaucoup plus développées et dans lesquelles il est donné beaucoup plus de détails. On commencera donc, bi'inillahi ta'ala, dans le prochain cours, l'étude du livre Al-Qawa'id al-Arba' de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. On commencera donc la semaine prochaine, inshallah, l'étude du livre Les Quatre Règles de Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala. فما كان من ثواب فمن الله وما كان من خطأ ومن نقص فمني ومن الشيطان وأستغفر الله. Donc ce qui était juste provient d'Allah et tout manquement ou toute erreur provient de moi ou du diable et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.